Chapitre 3 Vivot. Vivot de lune. La mer qui heurte au récif ses vagues déferlantes, la mer approfondie ne trouble pas la paix du soir, et la vie alentour, et la vie dans la case en bois de Bourao. Tais ses bruits, et la nuit tombe, rapide, l'immense rideau d'un théâtre infini, toile sombre illustrée d'étoiles. Plaintifs tous deux, près et loin, mon cœur et le vivot chantent. C'est du rivage là-bas, où lance brusque ses contours, que me vient la mélancolique musique. À quoi songe-t-il, le musicien sauvage, et vers qui s'en vont ses plaintes? À qui songe-t-il, sauvage aussi, ce cœur blessé? Et dites pour qui, dans cette solitude tant désirée, il précipite ses battements? Dans la solitude, tous deux, près et loin, mon cœur et le vivot chantent. La lune insidieuse et confidentielle rit à travers les bambous bien alignés de ma case. Ina, la lune, et rythme au caprice de sa clarté la musique, là-bas, qui me vient du rivage. Et l'on dirait, ces bambous, la lune dans la nuit pleine de souvenirs, dans le silence, l'instrument et la mélodie. Dans le silence, tous deux, près et loin, mon cœur et le vivot chantent. Ah, ce n'est pas un passant qui chante au loin, sur le vivot sa chanson, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui se souvient au clair de la lune qui filtre à travers les bambous de ma case sa clarté mélodique, accompagnement des mots d'autrefois dits et des danses dansées. Et moi, tous deux, mon cœur et le vivot chantent. Mais que s'en aille loin de moi mon cœur vers la mer, et que les souvenirs cèdent aux espérances vers la mer, dont les bruits autour de l'île sont les murs bénis, impénétrables de mon exil, et que je tende mes mains à l'espace plein de promesses. Loin tous deux, mon cœur et le vivot chantent. Vivot du matin. Chante, vivot tahitien. Chante la chanson du matin, chante gaiement, c'est chanter bien. Ma veille née dans les bois, comme l'arbre frémissant, avec l'aube dans les bois, j'irai chanter en dansant. Chante, vivot tahitien. Puis sur le bord de la mer, comme les flots agités, puis sur le bord de la mer, en dansant, j'irai chanter. Chante la chanson du matin. Tu crois dormir, et je vois tes yeux briller dans les fleurs. Tu crois dormir, et je vois tes dents luire sur les flots. Chante gaiement, sais chanter bien. Viens, je chanterai pour toi, des chants clairs comme le jour. Viens, je danserai pour toi, la douce danse d'amour. Chante, vivot tahitien. À l'ombre des pandanus, tu sais qu'il est bon d'aimer. À l'ombre des pandanus, et sur le bord de la mer. Sieste. Même la fleur de ses cheveux languit, et midi brûle. Sur la mer, dont l'eau lasse et lente avec langueur ondule, et miroite et midi brûle dans les bois, et midi brûle dans les cases. Pas un souffle, l'air engourdi, pesant, sec, effet de chaleur condensée et solide. Tout semble mort, l'île est déserte, comme le ciel vide, et dès longtemps a cessé l'agitation du port. Tout dort, sauf le soleil et ses chiens de flamme, tout dort. Théura dort, nue et seule, sur sa couchette étroite. La fenêtre est close de rideaux lourds, mais sa peau moite s'étoile de points d'or fauve dans la demi-clarté. Et Théura dort, à l'abandon, avec volupté. Soudain elle tremble, frissonne et frémit tout entière. L'esprit des morts veille. Théura sent sur ses paupières passer le vent de l'aile affreuse des Tupapaos. Puis le cauchemar s'évanouit, et des songes doux conduisent la dormeuse à la porte crépusculaire de la sieste. Elle en trouve ses yeux, la fureur solaire est apaisée. On renaît, on respire, et Théura se lève, et vers la vie et vers l'amour tend ses beaux bras. Le soir. Voici le soir qui vient dans la pourpre et l'or, ivre d'amour. C'est l'heure fraîche où se reprend à vivre le peuple enfant, joyeux d'un avenir de nuit. Et toute l'île, sur ses rivages, au bruit du vivot, des chansons, des rires assemblés, s'agitent folles, bavardes, bariolées. Les femmes, le tiaré à l'oreille, les plis du paréo tendus sur leurs reins assouplis. Le torse libre, au ton de bronze et de bitume, et la mourante ardeur du couchant se rallume, aux brusques éclairs d'or qui sillonnent leur chair. Le vent de l'éternel été s'endort dans l'air vespéral. Le soleil, vieilli, vaincu, recule devant la jeune lune au bord du crépuscule, se dressant radieuse, et leur feu un moment. Sur la crête des flots qui dansent mollement, s'entrebaisse et sur la tête solitaire de l'Aroraï, temple et sommet de la terre, d'où le rideau des bois dérobe à tous les yeux la gloire, la douceur et le secret des dieux. Tupapaous. Dans la nuit du monde, en gémissant, les Tupapaous font des rondes, en gémissant, et leurs yeux sont rouges du sang des innocents. Ouh, ouh, ouh. Les Tupapaous, aux yeux fous, quand on dort, ils entrent dans les cases, sans ouvrir les portes, et ce sont des morts qui parlent à voix basse, et des mortes à voix d'épouvante, à voix basse, morts amoureux des vivantes, qui laissent les filles lasses, mortes affamées, d'être aimées, qui laissent les garçons pâmés. Ouh, ouh, ouh. Les Tupapaous, et ce sont dans la nuit d'orage, malheur à nous si tu les nommes, les indicibles des vieux âges, qui viennent torturer les hommes impies, les ineffables des époques accomplies. Avec de grands visages roux, les orbites pleines de flammes, les dents longues comme des rames, et la foudre dit leur courroux, mais pour eux ils ne parlent pas. La peur avertit qu'ils sont là et les montre, et la douleur, quand les monstres impitoyables nous mordent au cœur, hurle le nom des ineffables. Malheur à moi, malheur à toi. Les Atuas, ouh, ouh, ouh. Puis la nuit s'achève, bien longue, si brève, et les démons que l'eau irrite prennent la fuite vers les monts. Païa, vivos tahitiens, chanson du vent sur les roseaux, vivo. Telle dans le navire du voyage, la chanson du vent sur les flots, vivo. Telle aussi claire, aussi obscure, la chanson du sauvage sur le chalumeau, vivo. Tu interroges, Païa? Je t'écoute sans répondre, accoudé à l'infini, le menton dans la main, les regards au large. Réfléchissant dans mon âme le soleil, déjà réfléchi, par la mer réfléchissant. Et que te répondre? Je suis triste, mais je sens les ailes de l'espérance s'épanouir en moi, comme de grandes fleurs. Tu m'inquiètes, mais tu me charmes. Attends encore, chante encore. Impatiences agitées parmi l'indolence de l'étendue, promesses d'escale en escale démentie. Vous voilà qui fusez en réalité d'autres ivresses, d'autres que les rêvés en joies inconnues, à fond sourd d'amertume, où s'étonne et s'égare mon désir. Pourtant je vous ai voulu, et je vous ai cherché, flots, ô forêts, ô fleurs folles d'êtres vivantes, et toi, race dorée, ton âme, une fleur belle aussi, vaste, odorante, généreuse, je l'ai désirée comme une renaissance. Mais tu te gardes de moi, tu gardes ton mystère. Me le diras-tu un jour? Ah, peut-être à l'ombre du manguier colossal. Ma race aussi fut grande, et elle affirmait, simplement par des œuvres, la vertu de ton cœur et de ta tête. La gloire fleurissait comme dans son jardin, dans les yeux de mes ancêtres, ayant au trésor de leurs pensées son germe inépuisable. Bien que le divin soleil de qui tout est venu, à qui tout retournera, ne leur prodigua pas ses plus vives flammes, on était heureux à l'ombre des maisons élevées par mes très anciens ancêtres. Chaque jour une fête, délicieuse ou tragique, fleurant la bonne odeur du sang et de l'amour. Et au moindre soin de la vie, la beauté présidait, sans qu'on épargne rien pour l'atteindre et pour la retenir. Mais les avares héritiers de ces magnifiques, avec la passion de l'extase héroïque et du sacrifice, perdirent l'art de séduire la beauté. Ils entassèrent dans des coffres solides les richesses conquises par les vaillants des vieux jours et sans honte se réduisirent pour le quotidien de vivre à de faux semblants d'honneur et d'amour, ainsi qu'aux produits anonymes, hideux et durables, de quelle industrie. Ils furent sans tristesse, trouvant dans leur sottise même, dans les complications vaines de leur destinée et dans les mensonges dont étaient tissées leurs pensées, des motifs de rire inconnus jusqu'alors. Autour d'eux pourtant la terre s'attrista. Dans un climat où les vraies fleurs ne jaillissent guère que du cerveau des hommes, il n'y eut plus de fleurs puisque l'humanité n'en produisait plus, et puisqu'elle avait caché celles de jadis dans l'herbier dur des coffres. Et quand j'ai voulu, pour les rafraîchir et les renouveler, et pour qu'à leur aspect s'allumât dans tous les yeux le désir d'un autre printemps, les agiter dans l'air, ces fleurs de passé et dans la lumière, je vis qu'elles avaient été corrompues et changées, ô momies devenues. Déshonorées par la nuit, ô dérisoires fleurs maintenant de papier, par la nuit poudreuse des coffres forts, et que mes contemporains sont avares et jaloux de pourriture actuelle, destinée à la purification prochaine du feu, de qui tout est venu, à qui tout retournera, pourriture actuelle et future cendre. Flot, ô forêt, ô fleur folle d'être vivante. Est-ce le passé qui me poursuit? Dans mes yeux, l'empreinte est-elle ineffaçable des choses subies? Les revoilà. C'est de toutes habitudes fuies et de vieux désespoirs. C'est de haine et d'amour abolis. C'est de mes propres fautes fanées. Et des torts de chacun, ah, fanées. C'est de tout le passé que sont faits les fantômes accroupis aux pierres du nouveau chemin. Jusqu'au remords vrai, avec des airs empruntés de regrets, évoquant les visages aimés, laissés et leurs larmes. Jusqu'au triomphe sanglant, ces gestes de menteuse gloire, et ce qu'il en reste de cicatrices à l'orgueil, et la lassitude, et les lassitudes, et ce dégoût final d'entendre et de voir, qui fit qu'en partant, on crut s'évader. Tout le passé ressuscite à ses dehors connus, usés, caducs, rancis, de fausses joies et de vains labeurs ici. Une ville, argent, bureau, une ville, caserne, taverne, hôpitaux, prison, une ville, fille, une ville. Et la sereine antiquité du ciel sur tout cela, du ciel où j'ai vu luire aux profondeurs le regret d'un secret perdu, sur les habitudes, sur les mensonges, sur les turpitudes, ici comme là-bas. Et ici comme là-bas, j'aurai l'effroi de voir, par les fenêtres du matin, après le jour et la nuit, après la veille et le sommeil, après le lucre et le stupre, des mains de servantes, indolemment, par les fenêtres du matin, dans la rue agitée avec les linceuls du jour et de la nuit, la poussière des sept péchés. Flot, ô forêt, ô fleur folle d'être vivante, et toi, race dorée, ton âme une fleur belle aussi, vaste, odorante, généreuse, je l'ai désirée comme la seule vengeance. Me diras-tu ton mystère un jour? Ah, loin de la ville, peut-être, dans le libre baiser des amantes dorées, au bord de la mer. Loin de la ville, vers la mer où mourront les rumeurs de la ville et du passé, vers la mer où dans le soir un vivot sauvage chante doucement. Mais hâtons-nous, le chant aussi du vivot va mourir, et la voix de la ville et du passé le menace. Elle monte, elle couvre à demi déjà la chanson grêle du vivot, la chanson frêle du bord de la mer. Que triste le vent gémit dans l'arbre, dans les branches noires et mortes de l'arbre, dont les racines maudites sont en moi, dans l'arbre de la ville et du passé. Vengeance et renaissance, liberté, future vigueur, ô vivot. Ô vivot, ignorez tout ce que tu ne sais pas. Ne m'interroge plus. Quand tu m'auras enseigné ta toute science ignorante, je pourrai te répondre. Tu m'auras dit ton secret. Je viens à toi docile, ô maître d'ignorance et de simplicité. Et le sourire n'est pas loin de mes lèvres. Mais j'ai peur que la ville se lève et marche tout entière derrière moi, contre toi. J'ai peur de t'apporter la ville et de jeter moi-même ces ténèbres entre le bonheur et moi, entre toi et ma douleur. Vers le silence. Le chant du vivot allait se mourant, dans la nuit, sur le rivage, et avec lui la voix de mes souvenirs allait se mourant dans mon âme, sur le bord du temps. Et les plus récentes images s'effacèrent les premières, parmi les bruits confus du navire en voyage, du navire d'adieu et d'espérance. On n'entendait plus qu'à peine le vivot, dans la nuit, sur le rivage, plus loin, et plus loin aussi dans mes souvenirs. J'avais dépassé le navire, avec mon âme remontant le fleuve du temps, et ce furent les lieux quittés, l'appareil riche des sordidités sociales et tout mon désespoir. Le vivot n'était maintenant, dans la nuit, sur le rivage, qu'un souffle très léger, mais oui, que ressouvenu. Et soudain ce furent, par-delà le passé mûr, les jours de ma jeunesse, cette autre belle sauvagerie, tôt étiolée dans l'atmosphère lourde des villes, sans que longtemps renaissât l'espérance. Et puis le vivot se tut. Dans la nuit haïtienne seul vibrait le vent, ouvrant large sur la mer ses ailes, et les voix de mon âme aussi se turent. Et je me sentis perdu, doucement, perdu, amoureusement, dans le silence de la nature et de moi-même, seul à seul avec l'immensité verte et bleue, qui ne te répondra pas si tu la questionnes. Seul dans un présent d'éternité, sans avenir ni passé, sans plus d'espérance ni de désespoir.